السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc nous allons inshallah terminer aujourd'hui le cours sur anwa' al-shirk al-asghar, les différents types de polythéisme mineur, inshallah, avant de commencer notre sujet la semaine prochaine. Et nous étions arrêtés dans al-shirk fi al-niyyat wal-maqasid, le polythéisme mineur dans les intentions et dans le but qui est recherché. Et c'était sur les quatre catégories de polythéisme mineur. النوع الأول العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وسيلة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك، وكذلك كترك ظلم أو ترك كلام في عرض الناس أو يتركه، يعني أي نوع من الظلم خالصا لله، لكنه لا يريد ثواب في الآخرة، إنما يريد أن يجاز به بحفظ ماله وتنيته وحفظ أهله وعياله، ولا هم له في طلب الجنة والهرب من النار. Donc ça c'est le premier type qu'on avait vu, on avait terminé sur ce point-là la semaine dernière, c'est que l'individu, ça fait partie du polythéisme mineur. On avait dit pourquoi le polythéisme mineur était dangereux, très rapidement, car en fait, il va diminuer le pur monothéisme. Il va diminuer le pur monothéisme, d'accord ? Comme nous répétons toujours, pour qu'une personne, tahqiq al-tawhid, pour réaliser le pur monothéisme, celui qui le réalise entre au paradis sans jugement ni châtiment. Allah ayant qad aslahu bi shirkin akbar, que l'individu n'annule pas le pur monothéisme en pratiquant du polythéisme majeur. Wala yanqas kamaluhu bi shirkin asghar, et qu'il ne diminue pas la perfection du pur monothéisme en pratiquant du polythéisme mineur. Wala yanqas kamal al-wajib bi bid'atin aw kabira aw isran ma saghira, et qu'il ne pratique pas d'innovation dans la religion, ni de grands péchés, ni continuellement des petits péchés. Donc celui qui évite ces trois points-là, d'accord, eh bien aura parfait le pur monothéisme et entre au paradis sans jugement ni châtiment, comme ça a été informé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le danger c'est quoi? C'est que lorsque cet individu-là, cette première catégorie-là, d'accord, et ça c'est donc ce qu'avait mentionné Cheikh Mohammed al-Tamimi rahimahullah, donc et les paroles des plus prédécesseurs. Sur la première catégorie d'individus, c'est qu'il va, en fait, il va faire de bonnes actions. C'est-à-dire, il va ne pas parler sur les gens, être correct avec les gens, ne pas oppresser les gens, d'accord ? Il va faire que des bonnes actions. Que des bonnes actions, d'accord ? Il le fait. Sincèrement, il le fait, pour Allah Azza wa Jal, il le fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Mais lui, dans son intention, c'est quoi? C'est qu'il ne recherche pas, en faisant cette action-là, une récompense du paradis et le fait de fuir de l'enfer. Lui, il veut juste, en ne faisant pas de mal et ne faisant pas d'injustice et en faisant que le bien, il veut juste que Allah Azza wa Jal lui donne du bien dans son argent, dans sa famille, dans ses biens. Il ne recherche pas l'au-delà. D'accord? Il ne recherche pas ni le paradis ni l'enfer. Donc ça, c'est le premier type, de shirk fil niyyat al maqasid. Donc on avait vu que fahadha yu'ta thawab 'amalihi fi ad-dunya laysa lahu fi akhiratihi min nasib. Et on avait vu aussi que il peut soit Allah Azza wa Jalla peut soit lui donner dans cette vie d'ici-bas, soit ne pas lui donner. En plus. Donc, parce que c'est une action qui est faite pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Et puis ce type de shirk polythéisme mineur, هذا النوع ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. Alaykoum salam wa rahmatullah. Le deuxième type de polythéisme mineur dans les intentions et les buts, hein. Wa akbaru min al-awwal wa akhwaf wa huwa alladhi dhakarahu Mujahid fi al-aya. Huwa an ya'mal a'malan salihah. Donc c'est dans le verset qu'on avait vu, hein. An ya'mal a'malan salihah wa niyyatuhu riya' an-nas, la talabu thawab al-akhirah. Donc lui, cet individu là, cette deuxième catégorie là, c'est qui fait des bonnes actions. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il recherche lui dans sa niyya? Il recherche en fait que les gens disent de lui, ou que les gens viennent le voir lui dire tu es quelqu'un de bien. Lui, son but, sa niyya, c'est son intention, c'est ça. Il ne recherche que ça, il ne veut que ça. Il ne recherche pas la récompense d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Il fait des bonnes actions en espérant que les gens, yani, vont lui dire de lui des bonnes choses, en espérant d'être vu par les gens. D'accord? Le troisième type qu'on avait vu, an-naw'u thalith, an ya'mal al-a'mal as-salihah wa yaqsud biha malan mithla an yahujja limalin ya'khudhuhu la lillah. Donc c'est le troisième type, c'est la personne qui le fait, son but c'est quoi? C'est pour recevoir de l'argent. Par exemple, il va faire le hajj pour de l'argent qu'on lui donne. Et non, il fait le hajj parce que yani, ça fait partie des piliers de l'islam et il le fait pour Allah Azza wa Jalla. Non, parce qu'on lui donne de l'argent, hein. أو يهاجر للدنيا يصيبها امرأة ينكحها أو يتزوجها. Donc ou bien il fait la hijra, il quitte les pays non musulmans vers les pays musulmans. Son but c'est quoi? C'est parce qu'en fait il veut se marier avec une femme qui est dans tel pays ou pour un bien matériel là-bas. D'accord? Sa niyya par exemple, il va faire la hijra, il a trouvé du travail là-bas. Donc il va y aller pour le travail. C'est pas, par exemple, il fait sa niyya pour y aller en espérant trouver du travail là-bas. Et ensuite, d'accord? Dans son but est... Donc ça, c'est... Et le quatrième type... An-naw' al-thalith. An-naw' al-raba' an ya'mal al-insan min ta'ati Allah mukhlisan fi dhalika lillah wahdah la sharika lah lakinnahu على عمل يكفره كفرا يخرج من الإسلام يأتي بعمل مكفر ويعمل الأعمال الصالحات وفي وقت نفسه يبتغي به وجه الله ولكن يكفر بسبب آخر. D'accord? Donc ça, donc هؤلاء لا يقبل منهم شيئا. Là, le quatrième type, c'est quoi? C'est que l'individu, il fait des bonnes actions sincères pour Allah Azza wa Jal. Cependant, en faisant ces bonnes actions-là sincères pour Allah Azza wa Jal, il dit quelque chose ou il fait quelque chose qui annule son islam. Et qui le fait sortir de l'islam sans qu'il s'en rende compte. Hein? C'est-à-dire qu'il va dire quelque chose qui va annuler son islam. Par exemple, un exemple. On entend souvent certains yani, qui parlent comme ça sans savoir la hawla la quwwata illa billah, en disant que certains mécréants ne sont pas des mécréants. Donc si Allah Azza wa Jal, il a rendu mécréant quelqu'un dans le Coran, d'accord? Et une personne dit qu'ils ne sont pas mécréants, ça annule son islam. Ça. Ou celui qui yani, renie un verset du Coran. Ou qui dit qu'il faut qu'on enlève tous les kalmat qul du Coran, par exemple. Hein? Yani, et ce sont des choses qui sont arrivées en plus. Donc tout ce genre de trucs-là, c'est que même si la personne fait ses prières et fait le hajj, ou par exemple, elle fait ses prières, elle fait le hajj et tout ça. Et elle va aller voir les tombes de Sidi, je ne sais pas quoi. Et elle va égorger pour eux et invoquer pour eux. Alors qu'en même temps, elle fait ses 5 prières et elle récolte de l'argent pour faire la umra et pour faire le hajj et tout ça. Ça, ce sont des choses qui annulent l'islam, d'accord? Donc, même si elle le fait sincère pour Allah Azza wa Jal, selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cependant, elle a fait des actes qui annulent son islam. Donc ça, c'était le quatrième type. Liyana'maluhum التي خرجوا بها من الإسلام تمنع قبول أعمالهم التي يريدون بها وجه الله. Parce que le fait que ça annule son islam, eh bien ça annule que les actions soient acceptées par Allah Azza wa Jal. Parce que les conditions d'acceptation, c'est que, wa alaykum salam wa rahmatullah, c'est que d'une part la personne soit musulmane, qu'elle le fasse sincère pour Allah et selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il manque un de ces piliers-là, l'acte n'est pas accepté par Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc, fait l'amr khatir. Donc, c'est pour ça que c'est très dangereux. Il faut faire attention à ces quatre catégories. Yujibu ala al-muslim al-hadr أن يطلبوا بالعمل الآخرة طمع الدنيا. Donc en fait le musulman il doit faire attention lorsqu'il fait une action de ne pas rechercher en fait une action qui est faite pour l'au-delà, de ne pas rechercher un bien matériel dans cette vie d'ici-bas. C'est-à-dire il fait une action pour l'au-delà, qu'il la fasse sincèrement que pour l'au-delà, que pour Allah Azza wa Jalla, en espérant une récompense. Et non en disant je vais faire cela et je pourrai bénéficier de ça en gagnant en argent ou tel bien matériel ou quoi que ce soit, ou telle position ou être vu des gens ou quoi que ce soit. D'accord ? وإنما ينبغي عليه أن يجتهد في الإتيان بما يأتي به من الأعمال التي يراد به وجه الله تبارك وتعالى رب العالمين وحده. وهذا عزيز جدا وعسير جدا إلا على من يسره الله عليه نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. Donc ceci est très important et ainsi que compliqué parce que la personne elle se doit constamment de renouveler son intention. Donc si elle fait une quelque chose, pourquoi je fais cette chose-là ? D'accord ? Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse que l'on soit sincère dans nos intentions, que ce soit que fait que pour Allah Azza wa Jal. جاء في صحيح البخاري أن من قصد الدنيا وجرى وراءها بكل همه فإنه يسير لها عبدا. Donc il a été rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, que quiconque son but est la vie d'ici-bas, en lui courant après, en courant après cette dunya, d'accord, eh bien cet individu devient un esclave, un adorateur de cette vie d'ici-bas. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. Donc تعس يعني سقط لغة, المراد هنا هلك. Donc en fait comme dans ça a été rapporté dans le Sahih de l'imam Bukhari, عن أبي هريرة رضي الله عنه qui a dit l'adorateur du dinar, de l'argent. Hein? De dirham, c'est aussi l'argent. Des beaux habits, des beaux vêtements. Il désespère. Il est constamment inquiet. Si il lui est donné, il est content. Si il ne lui est pas donné ce qu'il veut, eh bien il devient inquiet. Et il devient même en colère contre Allah Azza wa Jal. Il y en a qui arrivent même en colère contre Allah Azza wa Jal. S'ils demandent quelque chose et ils ne l'ont pas, ils se mettent en colère contre Allah Azza wa Jal. Sammahu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam abdan li hadhihi al-ashya li kawniha al-maqsouda bi'amalihi. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était un adorateur, un serviteur de ces choses-là. Hein? Parce qu'en fait, son but c'est quoi ? C'est de rechercher cela. C'est de courir après cette donnée-là, après cet argent-là. Son but, c'est ça. Donc, si son but, c'est uniquement cela, et on va détailler, Inch'Allah, par la suite, eh bien, il devient un adorateur de cet argent-là. Le fait, c'est juste d'accumuler. فَكُلُّ مَنْ تَوَجَّهْ بِقَصْدِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ جَعَلَهُ شَرِيكًا فِي عُبُودِيَّتِهِ. Donc, quiconque, son but, c'est autre qu'Allah Azza wa Jal, il a fait que ce but-là est un associé avec Allah Azza wa Jal. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على من جعل الدنيا قصدا وهمه فدعا عليه بالتعاسة والانتكاسة. Le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم dans ce hadith là a invoqué. Donc ce hadith là en fait comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que ce hadith là nous donne deux informations. Tout d'abord, que nous sommes informés de ce qui arrive à celui qui court après l'argent. Son but, c'est juste amasser et avoir de l'argent. C'est ça son but dans cette vie-là. Avoir de l'argent, amasser de l'argent. Donc celui dont son but, c'est celui-là, on est informé que, eh bien, il va être constamment inquiet et qu'il ne pourra, pas avoir ce qu'il voulait. Et aussi dans ce qu'il a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, قال Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميسة وذكر فيها ما هو دعاء وخبر. D'accord. Donc des informations et aussi une invocation contre. C'est-à-dire que soit lorsque vous lisez le hadith, Vous avez l'information que regardez ce qui arrive à celui dont son but est de ramasser de l'argent. Il va être constamment inquiet. Et lorsqu'il lui donne, eh bien, il sera content. S'il n'a pas, eh bien, il sera en colère ou quoi que ce soit. Il ne sera jamais paisible. Mais c'est aussi une invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont son but, c'est juste ramasser de l'argent, c'est cela. Eh bien, il reçoit l'invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est mustajab, qui est exaucé par Allah azzawajal. Parce que c'est l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que celui dont son but c'est cela, eh bien, il aura de la peine. Et il sera constamment inquiet. Et il ne pourra pas avoir ce qu'il recherche. Donc, comme j'avais mentionné, wal-ikhbar, ikhbarun bi-wuqu'a, ça veut dire que l'information ici, c'est que cela va arriver. Voilà ce qu'indique le message d'Allah. Son but, c'est cela, eh bien, ça va lui arriver. Si son but, c'est rechercher l'argent, c'est cela, eh bien, il sera constamment inquiet et yani, il aura ce comportement-là. Si Allah lui donne, il est content, sinon, il se met en colère. فَسَوَاءٌ كَانَ خَبَرًا أَوْ كَانَتْ خَبَرًا فِي لَفْظِي إِنْ شَاءَ فِي الْمَعْنَى بِأَنَّهُ دُعَاءٌ مِنْهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَمَا أَخْبَرَ بِهِ أَوْ دَعَ بِهِ فَهُوَ وَاقِعٌ وَحَالٌ عَلَى مَنْ كَانَ هَذَا قَصْدَهُ. Donc c'est ce que j'étais en train de mentionner. Dans les deux cas, voilà ce qui arrive à l'individu dont son but est le dinar, le dirham. Il reçoit l'invocation du messager d'Allah Azza wa Jal. فَلَا نَالَ الْمَطْلُوبُ وَلَا خَلَصَ مِنَ الْمَرْهُوبُ. Donc il n'atteint ni ce qu'il voulait et ne se débarrasse pas de ce qu'il fuyait. هَذَا حَالٌ مَنْ عَبَدَ الْمَالِ. Ceci est la situation de celui qui adore l'argent. Qui adore l'argent, il en est devenu un serviteur. بَلْ كَثِيرٌ مِمَّنْ يَعْبُدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيُطْلُبُ مِنْهُ إِنْ عَطَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا تَلَبَ رَضِيَ عَنَ اللَّهِ. Il y a beaucoup de parmi ceux qui adorent Allah Azza wa Jal, lorsqu'il lui demande, et si Allah Azza wa Jal lui donne, il est satisfait d'Allah. وَإِنْ لَمْ يُعْطِيهِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَخِطَ عَلَى رَبِّهِ. Mais si Allah ne lui donne pas, il se met en colère contre Allah, وَهَذَا لَا يَجُوزُ. Et ceci n'est pas permis. لِأَنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُعَامِلُ مِنَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُؤْمِنِ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ. Parce qu'Allah Azza wa Jal n'agit pas comme ça avec son serviteur. D'accord ? Allah Azza wa Jal, Allah le Très-Haut, yani, il a une sagesse que nous ne pouvons cerner. D'accord ? Allah Azza wa Jal, il est bon, il sait ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. وَإِنَّمَا يَنْبَغِي التَّسْلِيمَ لِأَمْرِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Mais le musulman se doit de se soumettre aux ordres d'Allah Azza wa Jal et à la volonté d'Allah Azza wa Jal. فَيَكُونُ الْمَالِ عِنْدَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ يَسْتَعْمِلُهُ فِي حَاجَتِهِ بِمَنْزِلَةِ حِمَارِهِ الَّذِي يَرْكَبُهُ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ حَاجَتِهِ. Donc c'est, il doit utiliser en fait son argent comme une personne utilise un âne. Qu'est-ce qu'elle fait avec cet âne-là? Admettons, elle a que ça comme moyen de transport, elle monte sur son âne. Lorsqu'elle arrive devant chez elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait pas rentrer chez son âne. Non. Ça y est, elle descend de son âne et elle rentre chez elle. Eh bien, c'est un moyen. Cet argent-là doit être un moyen qu'on utilise et non un but en soi. D'accord? Et non un but en soi. Le serviteur a besoin de différentes choses dans cette vie d'ici-bas. Que ce soit le logement, le mariage, la nourriture, les vêtements. Donc il invoque Allah Azza wa Jal, mais utilise ses biens comme on utilise, comme j'ai mentionné, l'âne par exemple pour le transport d'hommes ou de marchandises, comme un moyen et non un but en soi et non une adoration de l'argent. فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَالْ عِنْدَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ فِي تَحْسِيلْ حَاجَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ بِهَذِهِ الْمَنْزِلِ بِمَنْزِلَتِهِ الْحِمَارِهِ الَّذِي يُوَاصِلُهُ إِلَى غَايَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَعْبِدَ الْمَالِ. Donc, il doit utiliser cela comme un moyen et non comme devenir un esclave de cet argent-là. Un moyen pour acheter ce qu'il a besoin, ce qui est nécessaire pour se loger, pour se marier, ou pour se nourrir, ou pour se nourrir sa famille, pour s'habiller. D'accord ? Et qu'il ne soit pas donc un esclave et adorateur de l'argent, car il sera instable. فَيَكُونْ هَلُوعَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعَ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ. Parce que sinon, il va devenir instable, c'est-à-dire, comme Allah Azza wa Jal dit dans la traduction des sens des versets 19 à 21 de Surat al-Ma'arij, quand le malheur le touche, il est abattu, et quand le bonheur le touche, il est refuseur. فَإِذَا تَعَلَّقَ الْقَلْبُ بِمَا لَا يَحْتَاجُهُ الْعَبْدُ صَارَ الْعَبْدُ مُسْتَعْبَدًا لَهُ وَصَارَ رُبَّمَا مُعْتَمِدًا عَلَى غَيْرِ اللَّهِ مُتَوَكِّلًا عَلَى غَيْرِ اللَّهِ فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل على الله بل فيه شعبة من العبادة لغير الله والشعبة من التوكل على غير الله تبارك وتعالى. Donc si une personne, son cœur est attaché à une chose, d'accord, une chose matérielle, d'accord, et bien si son cœur est attaché à cette chose là il en arrive qu'il devient un esclave de cette chose-là, un serviteur de cette chose-là, un adorateur de cette chose-là. Il en arrive même à placer sa confiance en autre qu'Allah pour avoir cette chose-là. Hein? Et donc ce qu'il y a, c'est qu'il ne reste plus le pur monothéisme pour Allah Azza wa Jal. Parce qu'en plaçant sa confiance en autre qu'Allah Azza wa Jal, ou en comptant sur autre qu'Allah Azza wa Jal, il ne compte plus sur Allah Azza wa Jal seul. Non, il va essayer de compter sur des créatures pour essayer d'avoir ce que son cœur y est attaché. D'accord. فيكون عبد لهذه الأمور كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il devient un adorateur, un serviteur de ces choses-là, comme le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم l'a informé. إنما عبد الله هو ما يرضيه ما يرضي الله. Le serviteur d'Allah, c'est celui qui est satisfait de ce que Allah est satisfait. وَيُحِبُّ مَا أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَا أَحَبَّهُ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم. Et qu'il aime ce qu'Allah aime et ce que son messager aime. Donc il est satisfait de ce qu'Allah est satisfait. Et il aime ce qu'Allah aime et ce que son messager صلى الله عليه وسلم aime. وَيُبْغِضُ مَا أَبْغَضَهُ اللَّهُ وَأَبْغَضَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et il déteste ce qu'Allah déteste et ce que son messager صلى الله عليه وسلم déteste. يُوَالِي أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَيُعَادِي أَعْدَاءَ اللَّهِ. Il s'allie avec les alliés d'Allah et a de l'animosité avec les ennemis d'Allah. هَذَا هُوَ الَّذِي اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ هَذَا الصَّمْتِ. Donc c'est celui donc qui fait toutes ces choses-là, et bien celui qui aura complété la foi. Donc on demande à Allah Azza wa Jal d'en faire partie. Donc parmi ceux qui adorent l'argent, il y a ceux notamment qui utilisent ou qui mangent riba, l'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont essayer d'amasser cet argent-là par un moyen qui est haram. D'accord ? Ou bien ceux qui demandent des pots de vin, la rachwa. D'accord ? Ou ceux qui jouent au jeu de hasard. Le loto sportif, le PMU, le poker, hein, tous les jeux de hasard, tout ça. Il essaie d'amasser de l'argent par un moyen qui est illicite. D'accord ? Avec la tricherie, avec le mensonge, tout ça pour avoir de l'argent. حُبَّهُمْ لِلْمَالِ أَعْمَى بَصَائِرَهُمْ وَجَعَلَهُمْ عَبِيدًا لَهَا فَصَارُوا يَتْلُبُونَهَا مِنْ أَيِّ طَرِيقٍ كَانَ. Et donc, en fait, le fait qu'ils aiment tellement cet argent, le fait d'en vouloir en amasser ou quoi que ce soit, hein, eh bien, cela a aveuglé leur vue. Ils sont devenus des serviteurs, des adorateurs de cet argent-là. Ils recherchent par n'importe quel moyen que ce soit d'avoir cet argent-là. Peu importe si c'est haram, peu importe si c'est interdit, peu importe, ils s'en fichent. Lui, c'est amasser cet argent-là. D'accord ? نسأل الله العافية لنا ولإخواننا من المسلمين من شح المطاع وهوى المتبع ودنيا مؤثرة وإعجاب لكل ذي رأي برأي. On demande à Allah Azza wa Jal de nous en préserver, de ceux qui suivent leur passion et ceux qui pensent que leur cerveau suffit. يعني إنه على كل شيء قدير. من أنواع الشرك الأصغر سب الدهر. Parmi, ça c'est le dernier point inshallah, parmi les types de polythéisme mineur, c'est le fait d'insulter le temps. وهذا النوع يرتكبها كثير من الناس بحكم العادة. Ce type de politesse mineure, le fait d'insulter le temps, eh bien, il y a beaucoup de gens qui le font. Par, on va dire, habitude. Tout le monde dit ça. Ce type-là, de politesse mineure, eh bien, c'est qu'il corrompt le pur monothéisme. Et il corrompt aussi la croyance du musulman. Parmi cela, il y a le fait d'insulter le temps, insulter le vent, insulter la pluie. وما أشبه من ذلك إلى المخلوقات فيما ليس لها فيه تصرف. Donc, c'est le fait d'insulter en fait tout ce type de créature. Alors que c'est pas le vent qui se dirige, d'accord? C'est pas la pluie qui se dirige et qui fait que elle a envie de pleuvoir et il pleut, d'accord? فيكون هذا الذم في الحقيقة موجها إلى الله تبارك وتعالى لأنه الخالق المتصرف. Parce qu'en fait, en toute vérité, cette insulte-là, le fait d'insulter le temps, elle est dirigée envers Allah Azza wa Jal. Parce que c'est Allah qui dirige tout. C'est Allah qui contrôle le vent, c'est Allah qui contrôle la pluie, c'est Allah qui contrôle yani, le temps. D'accord ? Donc, ça, ce ne sont que des créatures. Allah, c'est le créateur, c'est lui qui contrôle tout, qui dirige tout. Donc, le fait qu'une personne insulte le temps, le fait qu'une personne insulte le vent, eh bien, elle insulte en réalité celui qui la contrôle et qui la crée. فَيَضُمُّ الْمَخْلُقَاتِ عِنْدَ عَدْمِ حُصُولِ مَا يُرِيدِ. Il se met en fait à insulter ou à en vouloir à des créatures lorsqu'il n'a pas ce qu'il veut. Il voulait avoir un beau temps pour aller faire, je ne sais pas, du sport ou quoi que ce soit, ou un foot. Et il se met à pleuvoir et il se met à insulter le temps parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. فيتوجه هذا الذم في الحقيقة للمتصرف في الحقيقة للمدبر في الحقيقة للخالق العظيم لله رب العالمين. Donc en toute vérité, cette insulte-là, elle est dirigée contre le Créateur, contre Allah Azza wa Jal, parce que c'est lui qui la contrôle, c'est lui qui la crée. فإن الله تبارك وتعالى قال عن المشركين وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset 24 de Sourate Al-Jathiya, et il dit, il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas. Et il dit, il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Nous mourons et nous vivons et seul le temps nous fait périr. Ils n'ont, ensuite Allah Azza wa Jalla dit, ils n'ont de cela aucune connaissance. Ils ne font qu'émettre des conjectures, des doutes. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْبَعْثِ وَهَذَا إِنْكَارٌ لِوُجُودِ الْخَالِقِ الْمُتَصَرِّفِ وَرَدٌ الْحَوَادِثِ إِلَى الطَّبِيعَةِ. Donc c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Les gens, ils renient de par cela l'existence d'un créateur. Et ils remettent les causes de tout cela à la créature, en disant que c'est la nature. Ce qu'ils disent, mère nature, c'est la nature elle s'est fait ça, la nature elle s'est déchaînée, elle s'est énervée, elle s'est je ne sais pas quoi, subhanallah. Vous voyez ce nawa? Et ce qu'il y a, le problème c'est quoi? C'est lorsque, subhanallah, une personne n'étudie pas sa aqidah, et elle tombe dans les habitudes de parler des gens dans lesquels elle fréquente. Elle mar'u ala dini khalil, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'individu est sur la religion de son compagnon. Donc si l'individu a comme entourage des gens qui ne sont pas musulmans par exemple, et qui ont ce genre de langage, lui sans s'en rendre compte, ça va rentrer dans sa façon de parler. Parce qu'il va s'habituer à parler comme eux, ils parlent. Ils discutent tout le temps avec eux. Il s'assoit tout le temps avec eux. Et ce qu'il y a, c'est qu'il va se mettre à dire ces choses-là. Et le problème, c'est qu'il va dire, oh, c'est la nature est bien faite. Et donc, il va commencer à éradiquer le fait qu'il y a un créateur. C'est Allah Azza wa Jalla. Et eux, le but, le fait qu'ils disent ça, et qu'ils insultent le temps, et qu'ils disent que c'est la nature qui s'est déchaînée, la nature est comme ça, et là, c'est pour en fait éradiquer la croyance de l'existence d'un créateur. فقد كذبوا بالبعث. OK. قالوا هذا القول على جهل عن جهل لا عن علم وبرهان وتثبت. Donc ils ont dit cela par ignorance et non par savoir, hein, et par le fait qu'ils se sont assurés de ce qu'ils disent. Ils disent ça juste par ignorance. لأن البرهان يرد هذا القول ويبطله. Parce que يعني la clarté, hein, البرهان la preuve, parce qu'en fait, la preuve en fait va réfuter cette parole-là. La preuve va réfuter cette parole-là. لذلك رد الله عليهم بقوله وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a répondu à ce qu'ils ont dit. Ils n'ont de cela aucune connaissance. Ils ne font qu'émettre des conjectures, des doutes. والظن لا يغني من الحق شيئا كما هو معلوم. Et le doute, hein, la conjecture, ne sert à rien contre la vérité. N'a aucun poids contre la vérité. كل من سب الدهر أو سب الزمان وكل من سب شيئا من المخلوقات فقد شارك المشركين عليكم السلام ورحمة الله فقد شارك المشركين والدهرية في هذا الوصف وإن لم يشاركهم في أصل الاعتقاد. Donc quiconque insulte le temps, insulte يعني bon, ce sont des synonymes en français, j'essaie de trouver un autre synonyme. Zaman, yani, pour, parce que dahr, c'est le temps. Zaman, c'est aussi le temps. Yani, voilà. Hein? Le temps, les années. Donc le temps, en termes le temps, c'est-à-dire ce qu'on parle de pluie, de vent et tout ça. Et le temps, en termes de temps, c'est-à-dire en termes de durée. D'accord? Voilà. Zaman, tu vois. Donc celui qui insulte le temps, qui insulte, ça sera plus donné. Ce serait yani le temps, parce que ça inclut donc le temps, comme on avait dit, le vent, la pluie, hein, comme on dit un beau temps. Et le temps dans la durée, comme par exemple les années, voilà, la journée, voilà. Hein. Il y en a qui s'éboulent le jour, tu vois. Ah, c'est une journée de, hein, tu vois. Donc voilà. Donc celui qui insulte le temps, eh bien, il a associé les polythéistes dans la parole d'Allah Azza wa Jal, hein, bien que, il ne les associe pas dans la croyance. Il ne les associe pas dans la croyance. Eux, ces polythéistes-là, ont la croyance que, non, il n'y a que cette vie-là, il n'y a pas de créateur, on est juste là, hein, on vit, on meurt, c'est tout. Lui, le musulman, il n'a pas cette croyance-là. Mais ce qu'il y a, c'est que le fait qu'il insulte, lui, il croit qu'Allah Azza wa Jal existe. Il croit que Allah Azza wa Jal, hein, il contrôle tout. D'accord ? Et ces gens-là parlent avec ignorance, comme on donnait l'exemple avec les nuages. D'accord ? Regardez les nuages, ça c'est une preuve claire. C'est de l'eau qui est en suspension dans le ciel. Aucun scientifique sur la planète, dans tout l'univers, ne peut mettre de l'eau en suspension dans le ciel. C'est de l'eau qui est en suspension dans le ciel. C'est pas possible de mettre de l'eau en suspension dans le ciel. Nous, en tant qu'humains, si on essaie de mettre de l'eau en suspension, elle va s'évaporer. Puis comme je disais, pour essayer de la maintenir, tu peux pas la maintenir parce qu'elle va s'évaporer comme ça, comme ça. Tu essaies de la maintenir dans un sac plastique, mais elle va se recondenser par la chaleur. Elle va redevenir des gouttes. D'accord ? Donc, subhanallah, regardez, yani cette preuve qui est claire. Rien que cela. Eux, qu'est-ce qu'ils font ? Donc, le musulman qui insulte le temps, la journée ou le temps, le fait qu'il pleut ou qu'il y a du vent ou que, hein, les tsunamis ou quoi que ce soit, celui-là, il associe les polythéistes dans ce verset, comme ils ont insulté le temps. Bien qu'il ne les associe pas dans la croyance, parce que lui croit qu'Allah existe et c'est lui qui contrôle tout, alors que eux refusent de croire à cela. An Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala Allah ta'ala يذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. Dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim dans le Sahih, selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut a dit, le fils d'Adam me nuit. Il insulte le temps alors que je suis le temps. Je tourne, je fais tourner la nuit et le jour. Et dans une autre version, il fait riwaya, la tasabbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr. OK? N'insultez pas le temps car Allah c'est le temps. Donc ce hadith là دل الحديث على أن من سب الدهر فقد أذى الله سبحانه لأن السب يتوجه إلى خالقها. D'accord. Donc en fait, ce hadith-là prouve que celui qui insulte le temps, d'accord, celui qui insulte le temps, Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit cela dans ce hadith-là, Qudsi, parce que c'est Allah Azza wa Jalla qui dit, eh bien, il insulte Allah, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en fait qu'il insulte celui qui a créé et celui qui dirige le temps. D'accord ? En insultant le temps, il insulte celui qui l'a créé. Et qu'une personne, lorsqu'elle insulte n'importe quel type de créature, d'accord ? Eh bien, elle insulte cette créature-là qui n'a pas le pouvoir de faire telle ou telle chose. Le vent, c'est pas lui qui se dit « je vais aller par là, je vais aller par là ». Ou la pluie, c'est pas elle qui va dire « je vais aller par là ». Hein ? C'est Allah Azza wa Jalla qui contrôle tout. Celui qui insulte ces créatures-là, qui n'ont pas de pouvoir en elles-mêmes de contrôler, de diriger, hein ? Eh bien, c'était les types de polythéisme mineurs. Alors, vous avez vu dans les détails, Inch'Allah. Et puis, Inch'Allah, bi'idhnillah, la semaine prochaine, on va commencer un nouveau sujet. Ce sera le commentaire, Inch'Allah, des Qawa'id al-Arba, les quatre règles, par les Cheikhs Obaid Jabiri. Et Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah. Jazakumullah khair, subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.